mao de Susan Zambalia. Saint-Esprit. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Eli. Coupe du monde. J'ai voyagé au bord de la rivière jusqu'au village de mes parents. Nous étions la période des vacances avec tous mes amis. Là où j'ai rencontré Maëlie avec un son sur la tête révélé de la rivière. Voyez, voyez, Maëlie, bien que je t'aimais bien, d'ici peu de temps, tu seras mon amour. Pasakanga mama, Mouskaruba, Embeli yoyoka yango nanzemo, Chic Chiquito, Tona kanga mole mama, Igo eh, Na Embeli yoyoka papa yango malembe. Nanzemo. Ah, Eli, la beauté divine, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes unis. Évangile selon Kishimba, c'est pas ça Tamize Mukadi. Saint Isaac. Là où j'ai rencontré Maëliot avec un son sur la tête révélée de la rivière. Aïe, aïe, Maëliot, dès que je te bébé, maman, tu seras mon amour, maman. Pasakanga, maman. Safiri, Florentin Diwa, Yoka Chris Bass. Chérie Eliot, tu es mon amour. Vraiment, chérie, tu es dans mon cœur. Et c'est toi que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Chori Armani, Prince Yengi, My Fall de la mer. Chérie Eliot, tu es mon amour. Vraiment, chérie, tu es dans mon cœur. Et c'est toi que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Papa, la boîte. Na boyaka na sango ya pasi de kotinda ngai na bomba moto e kotinda nga na misala mabe. Chérie Eliot, tu es mon amour. Boluka ki yango. Ma chérie, tu es dans mon cœur. Boko mona. Et c'est toi que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Mama bata yo ka ya bika bata. A bata yo na bata ya ba occidenta. Mélange na ba africana. Fata kapia santo maria. Chérie Eliot, Barra fait barabouda, Rosier, Tonton Chou. Et c'est toi que je t'aime, et je t'aimerai toujours. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, papa qui soit là, na oui, na yo. Chérie Eliot, tu es mon amour. Teddy Kintala, Freddy Kalume. Et c'est toi que je t'aime, et je t'aimerai toujours. Oh, et ça dit ma compétition à FIFA. Mukeba, Richard Moloa et la Katia Bella. Kim Fred Service, Henri Kambomaye, Boda Boda Boda, le number one. Yamate, Sami Bueka, JPS Production, le number one. Cherno, Kula Koneka. Grand frère et Koloko Joker, Yoka Deste Sousa Mileno na Mileno. Mololo Sakalaka Mama. Flat Lady Ana Matadi na Kinkanda. Malilia Sol. Son Excellence Henri Mova. Bina Malembe. Yatoms Bakashika. L'inoubliable. Chérie Eliot, tu es mon amour. Gilbert Mouyika, l'international. Et c'est toi que je t'aime, et je t'aimerai toujours. Pédale ma camorra ou le même affaire au Mounaba. Et je t'aimerai toujours. Coach Elisette, Monte Mayama, José. Et je t'aimerai toujours. Saba Saburu Zentere, Mouna Amisterda. Et je t'aimerai toujours. Rémi Kilo, la Féro, Mokoro, Amabina, Lose. Et je t'aimerai toujours. Doudou Douglas, qui chaloupe. Et je t'aimerai toujours. C'est ça, Nauka, Caroline du Nord, Saint-Paul. Et je t'aimerai toujours. Ayame, il est là. Eh, des souvenirs, c'est quelqu'un qui fait. Roger Zaba, oui, qui m'aime, hein? Et sa Coupe du Monde.